Vincent Van Gogh par Octave Mirbeau. Quelle personnalité étrange, inquiète et forte. Quel merveilleux et abondant tempérament de peintre, ce Vincent Van Gogh, dont on peut voir aujourd'hui dans les galeries de M. Bernheim une exposition d'œuvres choisies, quelques-unes tout à fait admirables. Ce nom de Van Gogh m'a toujours attiré, comme vers quelqu'un de très différent, de très rare. Et chaque jour, mon regret plus vif de ne l'avoir pas connu. Sa vie fut passionnée et passionnante, sa mort douloureuse et tragique. Il est mort, sinon fou, du moins le cerveau malade. Et pourtant, à lire les six curieuses lettres que publia naguère le Mercure de France, il n'est pas d'esprit plus équilibré que le sien. Ses opinions sont sages, se gardent de toute exagération. Il n'a rien d'un sectaire. Il rend justice à tout le monde, aussi bien Claude Monet qu'à Meissonnier. En littérature, il a des idées plutôt timides. Il ne trouve rien d'aussi beau que les livres de Maupassant. Il est peu d'hommes, vraiment, qui dans n'importe quel ordre d'idées puissent intéresser autant que lui le curieux d'art et d'humanité. Madame Albert Bénard, cette noble artiste, aussi clair génie, au sens critique si profond, au goût si pur et si vrai, me racontait un jour ceci. Nous étions à La Haye. Toute cette journée-là, nous l'avions passée à visiter les musées et les collections particulières, si bien que, malgré notre enthousiasme, nous étions saturés de peinture, étant brisés de fatigue. Avant de rentrer à l'hôtel, l'ami qui nous accompagnait désira nous entraîner à une petite exposition qu'un parent de Van Gogh avait organisée d'une cinquantaine de ses toiles. Je connaissais très peu ce peintre alors, et je n'avais pas beaucoup, à cette minute du moins, la curiosité de le connaître plus. Je résistais, demandant à remettre au lendemain cette visite, car nous n'étions plus en état de voir, de sentir ou de raisonner nos sensations. L'ami insista tellement que je ne voulus pas le désobliger par un refus. Ce fut comme un délicieux repos. Je n'oublierai jamais l'impression de fraîcheur, de détente, de nouveau, que j'éprouvais en entrant dans cette petite salle. Cette peinture était bien différente de celle que nous avions aimée toute cette journée. Eh bien, c'était peut-être la seule qui pût supporter, sans en être diminuée, cette comparaison écrasante. Et pourtant, malgré le métier, quelquefois lourd, quelquefois gauche, en tout cas très autre, malgré ses recherches de forme, si dissemblables, on y sentait comme une sorte de parenté lointaine, un génie de la race qui se retrouvait là, modifié par le temps et aussi par une personnalité très particulière. Puissance de l'originalité, de la passion, puissance de l'art qu'anime un souffle de vie ardente et sincère. Je ne sais rien de plus angoissant que la vie spirituelle de Van Gogh. Monsieur Émile Bernard, qui fut un de ses plus intimes amis, esprit très curieux, très séduisant, très chercheur, très érudit, intelligence spéciale et vive, mais infiniment chimérique, et perverti par toutes sortes de religiosités vagues, peintre médiocre, impuissant même, eut beaucoup d'influence sur la nature morale de Van Gogh, qu'il put troubler à de certaines heures. Il n'en eut aucune sur son art, qu'il ne parvint pas à détraquer, comme il avait détraqué celui de Gauguin et de tant d'autres qui sombrèrent dans l'imagerie mystique, et dans cette folie ingénue de vouloir exprimer, je ne dis pas par la peinture, mais par la déformation, les mystères que la philosophie, la littérature et la science ne peuvent même pas exprimer. Et pourtant, quel terrain meilleur aux semences de mysticité que l'âme de Van Gogh? Quelle prédisposition mieux caractérisée à toutes les démences, s'il n'eût été soutenu par un amour foncier de la nature et de la vie? Sa fin le prouva d'ailleurs. Elle était fatale, en dépit de cet équilibre mental que j'ai constaté dès le début de cet article. Et elle n'est pas une contradiction. Maupassant aussi était un esprit équilibré. C'est que nous ne voyons souvent chez les êtres que leur sagesse extérieure, alors que gronde en eux une tempête que nous ne voyons pas, et qui les ronge, et qui les tue, pour n'avoir jamais éclaté au dehors. Tout jeune, Vincent Van Gogh est employé chez un marchand de tableaux. Il manifeste un goût très vif pour la peinture. Le temps qu'il ne passe pas au magasin, il va l'employer dans les musées. Il aime la peinture pour la peinture, sans avoir l'idée d'en faire. Mais le commerce en même temps le dégoûte. Il se sent porté à une autre action. Il a de l'ardeur, de l'enthousiasme, un bouillonnement d'idées encore confuses, mais impérieuses, et qui demande à sortir de lui, et qu'il n'est plus le maître de comprimer en lui. La vocation de l'art a quelquefois à son début ce caractère apostolique, car Van Gogh veut être utile, se dévouer aux autres. Ce qui l'a toujours frappé, ce qui lui fait mal, ce qu'il voudrait guérir, c'est la laideur, c'est l'ignorance des hommes, la prédominance de la bestialité sur l'esprit, alourdie d'appétits grossiers, de préjugés serviles, de sottises douloureuses. Alors, un ardent besoin de prosélytisme le pousse vers le peuple. Il cherche les foules, les réunit sur les places publiques, dans les salles, leur parle. Il voudrait les élever vers quelque chose de plus haut, de plus pur, dont on ne leur a jamais dit un mot. Il essaie de leur expliquer ce que c'est que la beauté morale, ce que c'est que la beauté. Mais les foules ne comprennent rien à ce langage nouveau. Elles ricanent ou elles n'écoutent pas. Et Van Gogh se dit « Je parle trop tard à ces hommes. Je suis venu trop tard vers ces hommes. » Leur cerveau est ankylosé par trop d'habitudes antérieures, par trop de misère. Je ne puis rien sur eux. C'est aux petits-enfants que je dois aller. C'est dans ces organismes tout neufs et souples que je dois déposer la semence. C'est dans ces âmes, en formation et qui continuent de naître, que je dois porter la parole de vie. Et il parle aux petits-enfants. Mais les petits-enfants ne l'écoutent pas mieux, ne le comprennent pas davantage que les hommes. Ils ne songent qu'à se battre entre eux, à jouer, à marauder. Van Gogh s'étonne d'abord, puis se décourage, puis s'interroge et il se dit encore « Après tout, pourquoi les hommes et les petits-enfants me comprendraient-ils puisque lorsque je m'écoute, je ne me comprends pas moi-même ?» Il renonce à parler aux autres, à vivre pour les autres. Désormais, il ne vivra que pour lui. Et il vivra toute la vie, ardente, énorme, qu'il sent bouillonner en lui. La nature l'émeut. Il ne cesse de la regarder avec des yeux nouveaux et ravis, de la pénétrer, de s'en imprégner. Les champs, les ciels, les arbres fleuris ou les arbres nus qui font sous la lumière des entrecroisements de branches d'une décoration si impressionnante. Les fleuves, le soir, les vergers au matin, la divine fleur dont il devait plus tard rendre le miracle à miracle. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il rencontre, l'émeut d'une émotion puissante et sans cesse renouvelée. Un besoin instinctif, un désir furieux et tendre, une force inconsciente d'abord, puis raisonnée, le pousse à exprimer cela. Mais comment? Par les mots? Sur le papier? Non. Par la parole si inutile et qui ne trouble aucun cœur? Non. Par la forme? Par la couleur? Par l'harmonie de la forme et de la lumière? Par la peinture? Et Van Gogh, qui n'a jamais peint, se fait peindre. Ce sera encore une manière d'apostolat et parler une fois de plus aux hommes de beauté. Les mystiques, les symbolistes, les larvistes, les occultistes, les néopédérastes, les peintres de l'âme enfin, tous ces pauvres jobards ou ces pauvres farceurs, qui dès qu'ils voient dans une toile une faute lourde de dessin ou une forme embryonnaire ou des chairs verdies et des sexes crucifiés, crient au chef-d'œuvre, s'évanouissent d'admiration et de volupté, tous, l'un après l'autre, ils ont voulu revendiquer Van Gogh pour un des leurs. Voilà une étrange prétention. Une incompréhensible folie, pour qu'à Van Gogh plutôt que Monet ou Cézanne. La vérité, c'est qu'il n'est pas d'art plus sain. Il n'est pas d'art plus réellement, plus réalistement peintre que l'art de Van Gogh. Van Gogh n'a qu'un amour, la nature, qu'un guide, la nature. Il ne cherche rien au-delà, parce qu'il sait qu'il n'y a rien au-delà. Il a même l'instinctive horreur des rébus philosophiques, religieux ou littéraires, de tous ces vagues intellectualismes où se complaisent les impuissants, parce qu'il sait aussi que tout est intellectuel, de ce qui est beau, bêtement beau. Même quand il peint les ciels, leurs formes mouvantes, changeantes et multiples, femmes couchées, troupeaux dégringolants, chimériques poissons, monstres, mythes qui vont s'évanouissant sur le firmament, pour d'autres métamorphoses, même quand il peint les soirs d'été, avec des astres fous et des chutes d'étoiles et des lumières tourbillonnantes, il n'est que dans la nature et que dans la peinture. Ces lettres nous renseignent à cet égard très précieusement. Elles nous initient à sa méthode de travail, qui n'est presque uniquement que scientifique, pourrait-on dire. Elles nous racontent comment, dans la composition d'un tableau, le peintre n'a pas d'autre préoccupation que d'être un peintre, et cette préoccupation, il la pousse si loin que lorsqu'il décrit le paysage qu'il fait en ce moment ou qu'il rêve de faire le lendemain, il ne dit pas qu'il y a des champs, des arbres, des maisons, des montagnes, mais du jaune et du bleu, du rouge et du vert, et le drame de leur rapport entre eux. C'est ainsi qu'il reproduit, pour notre joie et notre émotion, les aspects féeriques de la nature, la joie énorme et magnifique, la fête miraculeuse de la vie. Hélas, il ne devait pas peindre longtemps. Une inquiétude mortelle, nullement métaphysique, mais toute professionnelle, était en lui. Elle le rongeait, le dévastait peu à peu. Peu à peu, morceau par morceau, il lui donnait à manger toute sa substance. Il n'était jamais satisfait de son œuvre. Toujours il rêvait au-delà de ce qu'il réalisait. Il rêvait l'impossible. Avec des colères sauvages, il s'emportait contre sa main. Sa main lâche et débile, incapable d'exécuter sur la toile tout ce que son cerveau concevait de perfection et de génie. Il est mort de cela, un jour. Il faut aimer Vincent Van Gogh et honorer toujours sa mémoire, parce que celui-là fut véritablement un grand et pur artiste. Octave Mirbeau.